Question 38. Je peux dépasser le véhicule rouge par la droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par la gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.